Julien Cazard pour conclure le grand after. Et là, mon petit. Salut Guillaume, merci tout le monde. Julien Cazard. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est vraiment, c'est DJ temps mort. On va trouver un petit. Faut qu'on te refasse un jingle. Mais non, mais un truc simple, un truc. À la hauteur de ton talent. Voilà, un paix. Et elle a parlé de la stratégie, le film Le Stratège. Alors, faut savoir quand même que l'histoire des statistiques, ça a déjà été utilisé. Je vous rappelle qu'au Milan AC, à une époque, ils avaient fait une statistique. Ils avaient pris Balotelli, Cassano, Boateng et Robinho, en recruté sur les statistiques de la police nationale, hein. Sur tout ce qui est police des mœurs et tout ça. Donc ça a marché. Et l'équipe de France. Je crois pas si bien dire en parlant de Milan, parce que je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Oui, bah, il y en a un nouveau, le petit Nyang. Le petit gamin. Pareil, non, recruté sur la police des mœurs, hein. Donc, et la police des frontières. Donc c'est quand même des statistiques, ça compte, hein. En équipe de France aussi, on avait fait les statistiques de l'INSEP aussi. À un moment donné, ça marchait très bien. C'est les mecs qui courent le plus vite, qui sautent le plus haut, qui tapent le plus fort. C'est bien, mais pas en football, quoi. C'est dommage. Alors, on a appris aussi qu'en Italie, j'ai eu cette phrase magnifique. Italie, attention à l'équipe d'Arménie. C'est quand même la phrase du soir, hein. C'est la meilleure manne, j'aurais pas pu la sortir. Alors, attention à l'équipe d'Arménie. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Tu dis ça parce que ça te fait plaisir. Oui, ça m'a fait rire. J'ai pensé à ma famille, et les plaisir pauvres. Un peu ils aussi. En sont morts deux fois. Non, si tu veux. Ah, peut-être qu'en fait, tu voulais dire, attention à l'équipe d'Arménie. Tu voulais dire un peu comme faire attention à une vieille dame quand tu traverses. Attention à la vieille dame. C'est ça, en fait. Même si en Italie, la vieille dame, c'est encore une autre référence. Mais, enfin, il faudra faire attention à l'Arménie. Il faudra pas leur marcher dessus trop fort. 70% des Argentins sont d'origine italienne. C'est quand même beaucoup. Alors moi, d'après, donc si c'est un truc historique, je pense que 30% des autres sont d'origine allemande. Je sais pas, à mon avis. Donc, combien d'Allemands combien d'Argentins peuvent jouer? J'ai un brin exagéré, mais c'est au-dessus de 50 facile. C'est d'Allemands, c'est combien? Entre l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, est-ce qu'il y a moyen de faire une équipe d'Allemagne avec tout ça? On peut pas dire. On peut pas dire. Il y a des noms. Gabi Heinze. Ah, général. Pardon, excusez-moi. Donc, non, mais c'est. Il y a des Anglais. Vous vous souvenez de Brown? Oui, bien sûr. C'est Louis Brown. Mais non. Premier but de la finale 86. Mais non, les grands-parents étaient très sympas. C'est un mauvais procès. Alors, attends, les Espagnols sont pas contents de faire les qualifs, parce qu'ils sont dans un groupe avec la. C'est que les mecs, c'est que ils sont dans un groupe. Il y a la Biélorussie, la Biélo-Finlande, la Biélo-France. Il y a que des Biélo-pays pourris. Mais les mecs sont pas contents, c'est-à-dire que ça sera quand même plus. Ils peuvent en profiter pour mettre leur équipe triple ou terre ou 4 ou 5. Ça leur ferait des matchs plus faciles que les matchs amicaux, mais ils sont pas contents. Et je voudrais finir parce que je vois qu'il est en stress, Gilbert. Non, je suis bien. Non, bah alors très bien. Oui, alors rapidement, les Anglais qui vont nous remettre. Ils nous remettent les Hart Brothers, là, les Lampard et Gérard. Là, je sais pas, ça marche jamais. Dieu me garde, Journal du Hard. Enfin, je sais pas pourquoi ils veulent absolument les mettre. C'est de là, ça marche jamais. Et Messi qui se plaint parce qu'il gagne pas autant que les Italiens. Et là, je dis pardon, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a, Messi? Il se plaint, mais il nous parle de pognon. Mais moi, je parle de pouvoir d'achat, hein, par rapport à Zlatan, hein. Tu sais que c'est le pouvoir d'achat. En Espagne, la vie, ça coûte que dalle. Il mange des patates et des pannes comme tomato. Il s'habille chez Zara, le mec. Il va se chausser à la halle aux espadrilles. Zlatan, lui, il fait ses courses avenue Montaigne aux Champs-Elysées. Paris, c'est quand même autre chose. Tu sais combien ça coûte la carotte râpée au bon marché, hein, et au Baron? Le parasol sur la rondelle de citron, ça coûte le prix d'une bouteille de champ pour Marco Polo à Barcelone. Alors arrêtez de nous faire chier. En franc constant, Zlatan, il gagne deux fois moins que Lionel Messi. Parce que lui, il n'est pas dans un pays de sous-dev. Alors, pourquoi sans marin? Pourquoi sans marin? Sans marin, c'est vrai, tout le monde se dit, il y a sans marin, mais c'est parce que les Italiens veulent juste nous faire chier. Parce que nous aussi, on pourrait foutre l'équipe nationale de l'île de Ré, de Noirmoutier ou de l'île de la Jatte, hein, ou alors même de la mer de sable, juste pour que le mec se déplace, aille s'emmerder à l'île de Ré. Parce que je peux dire que pour que Jospin y ait passé des vacances, c'est qu'on doit se faire chier à l'île de Ré. Et alors, nous, on va leur dire, voilà, Espagne, île de Ré, tiens, vas-y, Finlande, île de Ré, Angleterre, île de Ré, tu vas voir s'ils vont se marrer, les mecs. Alors, déjà qu'ils trouvent un hôtel à Ars-en-Ré, déjà en pleine période de vacances. C'est tout, ça m'a gonflé. Merci Julien. Salut à tous, merci grand homme. Ciao, Daniel. Demain soir, l'after revient juste après le match France-Biélorussie, bien sûr, au Stade de France. Bye bye.